and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, maintenant. Eh oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Planète Indie, ça commence effectivement maintenant. Je suis très heureux de vous retrouver, comme vous en avez pris l'habitude, comme chaque premier samedi du mois sur les ondes de RGL, sur la fréquence de RGL. Et en parlant de la fréquence, eh bien, je vous rappelle que depuis le 1er juillet, nous avons changé de fréquence puisque nous sommes maintenant disponibles sur le 96.6 ou 96.6 si vous nous écoutez du côté de la France. Nous sommes ensemble pour 1h30, 1h30 de musique indépendante, de musique alternative, de musique que vous n'entendez nulle part ailleurs, bien entendu. C'est notre spécialité, on va dire. Et puis au programme d'aujourd'hui, il y a pas mal de bonnes choses, pas mal de nouveautés. On écoutera, allez, je vous donne un petit avant-goût, les Vanguard, Jenny Quinn. On écoutera un extrait du nouveau EP de Jailis, l'artiste suisse. Et puis je vous propose de commencer tout de suite avec un extrait du tout nouvel album de Grant O'Grizzly. Très bel album. Et le morceau qu'on a choisi de vous proposer ce soir s'appelle, enfin ce soir, en cette fin d'après-midi, s'appelle Adrenalia. C'est Grant O'Grizzly. Nous sommes ensemble jusque 18h30. Allez, c'est parti, place à la musique. I was not je vous avais promis une émission qui allait bouger. Eh bien, je pense que le début de la programmation, on tient parole. Hein. C'est à l'instant le groupe danois Vinyl Floor avec Sensational Freedom Country Estate. C'est un extrait de leur tout nouvel album qui s'appelle Vaudeville. Et puis avant cela, les Américains de Grand Ole Grizzly et Adrenalia. On va voyager beaucoup dans les styles musicaux, on va voyager géographiquement puisqu'à l'instant donc, on était au Danemark. On ira tout à l'heure du côté de la Suisse, on ira même jusqu'au Vietnam. Vous allez voir, c'était une petite surprise pour vous. Pour l'heure, on continue avec le groupe Predestined et qui nous interprète Mystical Reunion. Et puis après, on écoutera les Granaways avec le morceau Misunderstood Enigma. Return to me. C'était les Greenaways. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais donné un petit indice le mois dernier en vous présentant le groupe. Bah, je vous le dis tout de suite, c'est le groupe RXGF qu'on va écouter et qu'on va découvrir comme Powerplay aujourd'hui avec leur album Any Other Way. Avant cela, on écoute encore les Lost Embers et le morceau A New Day Ahead. C'est donc Lost Embers avec le morceau New Day Ahead. Il est temps maintenant de partir à la découverte de notre album Powerplay. Le groupe aujourd'hui mis à l'honneur, c'est RXGF. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? RXGF, je vais vous en parler un peu plus longuement. Leur histoire commence en fait en 2011 quand le producteur John Morgan Reilly s'est associé avec un coproducteur qui lui s'appelait Jonathan Plum, un producteur coproducteur et qui a travaillé notamment du côté de la scène de Seattle. Il a travaillé avec des gens comme Pearl Jam ou Soundgarden et ils se sont associés dans un groupe qui à l'époque s'appelait Radioactive Ex-Girlfriend, RXGF, donc qui a été un peu raccourci depuis lors. Ils ont à eux deux sorti deux albums dans des styles un peu différents. Ils sont adjoints bien évidemment l'aide de différents musiciens occasionnels. Le premier album s'appelait The Art of Splitting. C'était un album orienté beaucoup plus orienté guitare, très très lourd on va dire, tandis que le deuxième sorti en 2011, c'est plus orienté vers la musique électronique qui commençait à faire son apparition dans leur composition. Cet album de 2012 s'appelait All Blade No Handle. C'est un album qui était qualifié d'électrofolk, voilà, rien de moins. Et puis l'histoire continue, en 2013 ils ont cherché pendant plus d'un an pour trouver une chanteuse, ils voulaient une chanteuse et ils ont enfin rencontré on va dire la perle rare en la personne d'Angeline Schaaf qui a rejoint désormais le groupe RXGF. L'album dont on va parler aujourd'hui s'appelle Any Other Way, il est donc la synthèse quelque part de leurs deux premiers albums. Vous allez voir c'est un peu différent. Je vous propose d'en écouter un premier extrait, celui que j'ai sélectionné aujourd'hui pour vous. Il s'intitule Tombstone Soirée. C'est RXGF, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Et on les écoutera trois fois au cours de cette émission. Powerplay. Powerplay. Dancing with the ghost, okay. Voilà, j'espère que vous appréciez ce premier aperçu de l'album Any Other Way du groupe RXGF. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. On les écoutera encore deux fois d'ici 18h30 puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. J'espère que vous appréciez de manière générale la programmation de cette émission. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Et donc on va poursuivre celle-ci en quittant les États-Unis et la région de Seattle pour revenir en Europe du côté de la Suisse. Avec Jailis et un extrait de son nouvel EP, on écoute le morceau Regret ou Regrets si on veut. It's giving me bad dreams, I don't remember. The color of your eyes when they met my ages ago. I saw your letter under my shared your secret love for me. You never shined a kiss so much for me. I'm full of regrets for me. I'm full of sadness. You never shined a kiss so much for me. I'm full of regrets. I'm full of regrets. To cry, but I place a spoon of cigarettes and whiskey wine. I never could have guessed what's on her mind, but I never asked her why. And I have grown up like a little child, looking at the playground from the outside. The gate is open, no one's passing by, but I won't cross the line. Oh, I feel tired. So tired. Would it be okay to show all the feelings no one knows? And I feel tired. So tired. Putting on another show. I could never let it go. All the pretty girls are up your life, trying to be the beauty queen of humankind. But deep down in the eyes I see them cry. Be those pretty smiles. Why do you hold on till the night? The music's beginning to die. When the sun falls, my heart starts to rise. And I know I'm gonna be alright, I'm gonna be alright. But I feel tight, so tight. Would it be okay to show all the feelings no one knows? But I feel tight, so tight. Putting on another show, I could never let it go. Like a mask I borrow to hide my deepest sorrow. Does anybody love me? I don't even know. Like a broken arrow, it never knows where it goes. But if I say I love you, trust me, I'm in sorrow. But I feel dying, so tired. Would it be okay to show all the feelings no one knows? And I feel tired, so tired. Putting on another show, I could never let it go. Round and round I go, round and round I go, round and round I go, round and round I go, round and round I go, round and round I go. Voilà, eh bien, on entend, me semble-t-il, en tout cas, l'influence asiatique dans ce morceau, et c'est quelque part un peu normal, puisque, bien qu'elle s'appelle Jenny Queen, elle est originaire, devinez d'où ? Eh bien, du Vietnam, et plus précisément de Ho Chi Minh Ville. Voilà, donc c'est une artiste self-made, on va dire, elle fait tout elle-même, et son morceau s'intitule Tired, fatigué. Bah, j'espère que vous ne l'êtes pas trop parce qu'on a encore un certain temps à passer ensemble. Bah, si vous êtes fatigué, vous vous reposez, vous mettez dans le hamac sur la terrasse, vous laissez la radio Bréa branchée et puis vous profitez de la musique. D'ailleurs, je serais curieux de savoir où vous nous écoutez, peut-être en voiture, qui sait si vous êtes bloqué dans un bouchon puisqu'on annonce une journée particulièrement chaude sur les routes aujourd'hui, notamment les routes en France, dans un magasin, chez vous, tranquillement. N'hésitez pas à nous faire coucou, hein, vous tapez Planet Indie dans Google et puis vous nous retrouvez aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas à vous signaler. Et puis notre numéro de téléphone, je vous le signale, c'est le 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44, si eh bien vous n'en pouvez plus et vous devez absolument nous faire part eh bien de votre opinion. Voilà, on poursuit en musique avec des voix féminines. Elle, c'est le groupe Vanguard. Le morceau s'intitule To Be Free. It's all with me in the stars, and come with me to an enchanted place to find my Excalibur. I dream with you. Charmante, mais c'est un peu endormant. Hein. Vous avez peut-être corrigé vous-même, on n'a pas écouté le morceau To Be Free, mais It's Always You, petite erreur de, de bouton, voilà. C'est pas grave, ça arrive parfois. On poursuit avec d'autres charmantes jeunes femmes, ce sont les Good Lovelies. On va rester dans la douceur avec un morceau Old Fashioned Love. Tout cela avant de retourner sur notre album Powerplay pour ce soir. L'album de RXJF, Radioactive Ex-Girlfriend, ça m'a bougé un peu plus. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Pour l'heure, on laisse la place aux Good Lovelies, Old Fashioned Love. Good Lovelies, Old Fashioned Love. 17h45 minutes, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois. Et puis nous serons aussi rediffusés demain dimanche à la même heure. C'est l'épisode numéro 363. Voilà, il est temps de retourner sur notre album Powerplay, l'album donc de RXJF, Radioactive Ex-Girlfriend, c'est leur nom précédent. Je vous ai dit que eh bien, cet album Any Other Way, c'est le troisième. Il fait un peu la synthèse de leurs expériences passées. C'est un album qui évoque eh bien, un pays des merveilles post-apocalyptique et un pays des merveilles de science-fiction, on va dire. Il combine des éléments alors, de plusieurs influences, de la dark wave, dark disco, de l'industriel, de la techno, voire même du hip-hop. C'est un album eh bien, qui ne doit pas seulement être entendu, mais qui il est bon aussi de faire attention aux paroles, puisque eh bien, les chansons parlent notamment du monde de complaisance dans lequel on vit. Le morceau, par exemple, Things Go That Go Bang, on l'écoutera tout à l'heure, ce sera le troisième extrait. C'est un, eh bien, il évoque la tyrannie des gouvernements, la lobotomisation des populations. En fait, ils veulent ouvrir les yeux de leur public. Que vous dire de plus ? Eh bien, les chansons parlent beaucoup des relations entre les gens, qu'elles soient saines ou peut-être moins saines. C'est de la musique eh bien, obsessionnelle, de la musique menaçante. Eh bien, je vous propose d'écouter un second extrait. Bah oui, pourquoi pas. We Will Not Be Denied. C'est notre powerplay. Je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Planète Indie eh bien, une vidéo, la vidéo de How to Make It. Eh bien, pour l'heure, nous, on leur laisse la place avec ce second extrait. Second extrait, donc, je vous rappelle, qui s'appelle « We Will Not Be Denied ». Et le groupe, c'est RXGF. Power Play. Power Play. Donc leur nom RXGF avec leur album No Other Way, c'est notre power play. Aujourd'hui dans Planète Indie, on était en Suisse tout à l'heure avec Jailis. Retour en Suisse avec un autre style musical, c'est King Dean et le morceau Dance For Me. Seconds for distraction, for romance and sadness. Yes, you are. You keep crashing saints in your car. Parade ways and patch and smiles. Yourself is so exiled. Time to unveil the veil. Heal the heart so impaled. Throw away all the books and take a brand new look. And come dive into my sea. Be amazed by what you see. Come dive into my sea. And we'll swim unto the dazzle of ecstasy. Alive, but they hang you on a cross just for being you. Storm the tower, seize the power, rewrite the rules that made you sour. Behind your glass there is a door that leads to evermore. And come dive into my sea. Be amazed by what you will see. Jupiter and Velvet, coming at ya on Planet Indie. Voilà, il le disait beaucoup mieux que moi, c'est Jupiter in Velvet qu'on vient d'entendre, avec un extrait de son tout nouvel album, on vient de le recevoir il y a pas 15 jours. L'album s'intitule The World Didn't Start With You, et nous on écoutait Dive Into My Sea. Avant cela, je vous rappelle, c'était King Dean avec Dance For Me. Si vous vous en souvenez, le mois dernier, je vous avais parlé de Corna Crona, on a écouté un extrait de son best-of, va-t-on dire. Je vous disais qu'il venait de sortir un nouvel album. Eh bien, on passe de la des mots à la pratique, puisque voilà, je l'ai en main. Je vous en propose donc un extrait, la plage d'ouverture de cet album. L'album s'intitule Glass Full et la plage d'ouverture s'intitule Inside Your Town is Inside Your Head. Eh bien, je vous propose de l'écouter tout de suite. On passe aux actes. Corna Crona avec un extrait de son tout nouvel album Glass Full. Slipped out the screen door slams. Maybe you woke or stopped playing pretend. I'm not gonna lie no more. I'm not gonna lie again. I'll be tired from me and not getting ahead. There are reasons everyone you know. They're all inside your head. Could've stayed but my mind sniffed the old decay. 18 years I kissed this place goodbye. No more last nights in the same hotels where the Cooper sells and all the sense I had went down that wishing well. This city ain't dead to me. It's got an eternal last breath. I'll be tired of running and not getting ahead. There are reasons everyone knows. They're all inside your head. Paper falls on your east side porch, and the radio reports another white wine display. There's one who fights and there's one who races up through the hills and into the state. Effacera-t-il les stigmates? Que se passe-t-il sous les strates? Après 4 ans d'une ère spartiate, de la paix arrive la frégate. C'est maintenant l'heure du bilan, de la défaite du camp allemand. Mais y a-t-il vraiment un gagnant devant cette bêtise et tout ce sang? Mais y a-t-il vraiment un gagnant devant cette bêtise et tout ce sang? Dans un wagon, on a signé la fin. A-t-on remis le monde dans le bon train? 2 décennies plus tard, réapparaîtra le voile, un blizzard. Dans un wagon, on a signé la fin. A-t-on remis le monde dans le bon train? 2 décennies plus tard, réapparaîtra le voile, un blizzard. Dans un wagon, on a signé la fin. Dans un wagon, on a signé la fin. Dans un wagon, on a signé la fin. Dans un wagon, on a signé la fin. On n'ose pas couper un morceau pareil, hein. Ce sont un peu les régionaux de l'étape. Ils s'appellent les As-tu vu, puisqu'ils sont originaires de la région d'As-tu. Et ils nous interprétaient le wagon qui faisait référence, bien entendu, à la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale dans la forêt de Compiègne, justement dans un wagon. On entendra encore parler, ça je vous le garantis. On vous prépare notamment une petite surprise avec le groupe, et leur album s'appelle D'entre les lignes. C'est un album, on va dire concept, on peut pratiquement parler d'un album concept dont les textes tournent autour de la Première Guerre mondiale. Retour sur notre album Powerplay, c'est un style un peu différent, vous vous en êtes rendu compte. On va en écouter un troisième extrait qui s'appelle Things That Go Bang. On écoutera le False Flag Mix, bah oui, rien de moins que ça. C'est un album qui a été conçu pour tourner autour de la voix de Angelina Schaff. Je vous ai raconté tout à l'heure comment elle a rejoint le groupe, et puis dans une interview notamment. Enfin, je vous ai dit aussi que cet album était un album qu'il fallait pas seulement entendre mais écouter, puisque ces gens ont des choses à dire. Et monsieur comment s'appelle-t-il déjà, Reilly, John Morgan Reilly, dans une interview, il prenait par exemple, il avait un regard assez critique, on va dire, sur l'évolution de la musique actuellement. Il dit qu'on est dans une période de renaissance, mais que c'est pas toujours une bonne renaissance. Il prend par exemple l'exemple du téléphone qui a été inventé dans les années fin du 19e siècle, mais il dit que c'est seulement dans les années 50 que l'usage du téléphone a explosé, et puis c'est devenu les smartphones qu'on connaît actuellement et qui peuvent être utilisés même par des petits-enfants. Et il dit bah, dans la musique, c'est exactement là où on en est, puisqu'il y a des technologies qui existent et qui permettent à tout un chacun d'enregistrer sa musique et de faire des notes en haute fidélité, pratiquement aussi facilement que pour commander une pizza. Mais malheureusement, eh bien, ce n'est pas pour cela que c'est de la musique authentique. Voilà, c'est leur opinion, et ils en ont des opinions. Allez, on écoute le Things That Go Bang, le False Flag Mix. Je vous rappelle que j'ai mis une vidéo sur la page Facebook de Planet Indie, de RXGF, et puis leur adresse internet, c'est rxgf.co.uk. Voilà, c'est tout à fait facile. Et je laisse la place au False Flag Mix. Power play. Power play. We've got to have a civilian national security force that's just as powerful, just as strong, just as well funded. Who would have ever thought the current generation and Congress would stand idly by and watch such a rapid disintegration of the American Republic? Our presidents can now, on their own, order assassinations, including American citizens, operate secret military tribunals, engage in torture, enforce indefinite imprisonment. imprisonments without due process, order searches and seizures without proper warrants, gutting the Fourth Amendment. History will record with the greatest astonishment that those who had the most to lose did the least to prevent its happening. But I think it's time we ask ourselves if we still know the freedoms that were intended for us by the founding fathers. You and I are told increasingly we have to choose between a left or right. Well, I'd like to suggest there is no such thing as a left or right. Presidents can now wage war at will. Treat all Americans as suspected terrorists at airports with TSA groping and nude x-ray. And the Federal Reserve accommodates by counterfeiting the funds needed and not paid for by taxation and borrowing, permitting runaway spending, endless debt, and special interest bailouts. The fate of the American Republic is now sealed. Now sealed. Now sealed. Now sealed. Now sealed. Now sealed. Now sealed. Now sealed. Americans are asking, who attacked our country? I still do not have the answers to those questions. They were unable to provide them. Congress is planning to massively increase the war power of the president. Congress, with bipartisan support, obsesses on how to expand the unconstitutional war power he already holds. We have before us the opportunity to forge, for ourselves and for future generations, a new world order. The current proposal would allow a president to pursue war anytime, any place, for any reason, without congressional approval. Their purpose is to protect the national interest of the United States, and indeed the interest of people throughout the Middle East and around the world. Those who would trade our freedom for security have embarked on this downward course. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Because we're acting today, it is less likely that we will face these dangers in the future. Freedom itself is under attack. Our presidents can now, on their own, order assassinations, including American citizens, operate secret military tribunals, engage in torture, enforce indefinite imprisonments without due process, order searches and seizures without proper... Moi, je pense que vous avez compris le sens et les paroles de cette chanson. C'était le False Flag Mix du morceau Things That Go Blind. Le groupe, c'est RXGF. C'était donc votre powerplay ce soir dans Planet Indie. On peut malheureusement pas l'écouter en entier parce qu'il fait plus de 8 minutes et on n'a plus vraiment le temps. On va profiter de la fin du morceau pour la programmation de la rocale. Ça tombe bien, ça va aller vite puisque le 11 août, ce sera les Die Totenhosen, mais c'est déjà sold out. Et puis le 25 août, le groupe Viet Cong, mais ça se passera aux Rotondes. Voilà, c'est déjà fait. Et puis après, ça recommence le 18 septembre, mais là, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là, puisque eh bien, notre prochaine émission se déroulera le premier samedi de septembre, à savoir le 5 septembre. Voilà. On poursuit en musique avec un autre artiste électronique. C'est un des pionniers de la musique électronique en France. Il s'appelle Zanov. De son vrai nom, Pierre Salkazanov. Il était un précurseur au même titre que d'autres artistes, comme je reviens plus sur son nom, Jean-Michel Jarre. Voilà, il était là même bien avant eux. Et il revient avec un nouvel album et on en va en écouter la plage de fermeture cette fois-ci. Et ça s'appelle, et bien évidemment, Final Cut. Pierre Zanov, connu sous son nom de, et dans le monde du milieu, dans le milieu musical, on va dire, connu sous le nom de Zanov. We'll be right back. l'instant dans vos oreilles, c'était Indian Red Lopez avec un morceau intitulé Ropes. Et puis on va vous prouver que l'été est là et bien là avec un nouvel artiste. Il s'appelle Golden Boy. Il nous interprète le Greatest Reggaeton Club Show. De la bonne humeur, Golden Boy Fausse Passant, VBH, la rangorde de poule, le feu follet de la scène, le VBH ventilateur de la bonne humeur. Pour ceux qui connaissent, ça sonne étonnamment comme le groupe brésilien de Banda Calypso. C'était Golden Boy avec Greatest Reggaeton Club Show. Et bien voilà, cette émission Planet Indie numéro 363 touche tout doucement à sa fin. J'étais très heureux de passer cette fin d'après-midi, ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain dimanche 2 août à 17h sur cette même fréquence. Et puis le podcast sera disponible sur le site de l'émission très bientôt, bientôt tout de suite. Voilà, je vous retrouve à la rentrée au mois de septembre, le 5 septembre, pour de nouvelles aventures musicales. D'ici là, eh bien, passez un bon mois d'août. On espère que le soleil sera de la partie. En tout cas, nous, on vous le ramènera en septembre, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur internet aussi, vous tapez Planet Indie dans Google et puis vous tomberez sur nous, on est sur Facebook aussi, donc n'hésitez pas à vous manifester. On va se quitter avec un dernier morceau, une autre touche latine pour terminer, il s'appelle Biop Jones, et le morceau s'appelle Maria, voilà une touche latine donc pour terminer cette émission et pour terminer avec le soleil. Je vous retrouve donc le 5 septembre pour le numéro 364 de Planète Indie. Et puis je vous rappelle encore une dernière fois, nous sommes rediffusés demain à 17h sur cette même fréquence. Voilà, passez une bonne soirée, un bon week-end, un bon mois d'août et je vous retrouve donc le 5 septembre pour l'émission numéro 364. À bientôt.